90.3 FM in Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Welcome, bienvenue sur Bonjour Minnesota. Tonight, we're going to listen to a lot of various songs and artists only in French. Let's go. Allez, on y va. Now, we're going to listen to Daniel Auteuil with two songs from his album Si vous m'aviez connu, If you had known me. The first one is Saigon, like the city in Vietnam. And the second one is Si vous voulez que j'aime encore, If you want me to still love. And Daniel Auteuil is more known as an actor than a singer, but his album is pretty nice. Then we're going to listen to Gaëtan Roussel, who was the lead singer of Louise Attaque, with Les Mêmes Larmes, The Same Tears, and it's featuring Daniel Auteuil, and it's from his album Eclectic from 2023. Quand vous bercez à l'heure féerie l'opium ou le thé, dans un palais d'aventurine où se mourait le jour, avez-vous vu son grand amour, princesse de la Chine? Plus blanche en son pantalon noir que nacre sous l'écaille, au clair de lune Jean Chicaille vous est-il venu voir? Pleurant comme la Sodelle aux îles Douac-Bac, aux îles Douac-Bac, et juré de coudre en un sac son épouse infidèle. Mais tel qu'à travers le vent des mers sur le rivage s'envole et brille un pan sauvage dans le soleil levant. Mais tel qu'à travers le vent des mers sur le rivage et brille un pan sauvage dans le soleil levant. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours, au crépuscule de mes jours, rejoignez s'il se peut l'aurore, des beaux lieux où le dieu du vin, avec l'amour tient son empire, le temps qui me prend par la main, m'avertit que je me retire de son inflexible rigueur. Tirons au moins quelque avantage, qui n'a pas l'esprit de son âge, de son âge à tout le malheur. Laissons à la belle jeunesse ces folâtres emportements. Nous ne vivons que deux moments, qu'il en soit un pour la sagesse. Quoi pour toujours vous me quittez, tendresse, illusion et folie. chants du ciel qui me consolaient, des amertumes de la vie. Si vous voulez que j'aime encore, on meurt de foi, je le vois bien. Cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable. Cesser de vivre, ce n'est rien. Ainsi je déplorais la perte des erreurs de mes premiers ans et mon âme au désir ouverte. Regretter ces égarements. Si vous voulez que j'aime encore, l'amitié vint à mon secours. Elle était peut-être aussi tendre, mais moins vive que mes amours. Touché de sa beauté nouvelle et de sa lumière éclairée, je la suivis mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle. Et après, on a pleuré les mêmes larmes. Désolé. On a vécu le même drame, on a saigné des mêmes larmes, on a brûlé des mêmes flammes. On a prié la Sainte Dame, il fallait bien sauver notre âme. On a aimé la même femme, ses baisers, ses secrets, ses attraits. Mais qui es-tu, bel étranger? De quel cachot jaloux secret? De quel recoin, de quelle mémoire viens-tu saloper mon histoire? Mais d'où viens-tu, belle inconnue? De quel naufrage revenu fais-tu remonter de la nuit le chant des amants désunis? On a aimé la même femme, oui je sais. On a pleuré les mêmes larmes, toi après. On a vécu le même drame, on a saigné des mêmes larmes, on a brûlé des mêmes flammes. On a prié la Sainte Dame, il fallait bien sauver notre âme. On a aimé la même femme, ses baisers, ses baisers, ses secrets, ses attraits, ses baisers, ses secrets, ses attraits. Mais d'où viens-tu, oiseau de nuit? De quelle pluie tombée du nid? De quel cruel besoin d'y croire? Viens-tu chanter à ma mémoire? Ses baisers, vanité. Ses secrets, vanité. Ses attraits, vanité. On a prié la Sainte Dame, il fallait bien sauver notre âme. On a aimé la même femme. Thank you. We just listened to Daniel Auteuil with Saigon and Si vous voulez que j'aime encore. Then it was Gaëtan Roussel with Les Mêmes Larmes, featuring Daniel Auteuil. Programming on KFAI is supported by the French-American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to three songs from Florent Pagny. The first one is L'Avenir, or The Future, and the second one is L'Instinct, or The Instinct, and it's from his album L'Avenir from 2021. And then the third song is Je Trace. And Je Trace is kind of like I'm living, I'm making track. And it's from his album, Ireland, from 2003. C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. La renaître de ses souffrances, issues de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera en mille fois mieux. Satisfaire avec la chance au milieu, on sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux, on deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux tout ce qu'on n'a jamais su dire, on est fait pour bâtir la. Sera juste, les bons auront le pouvoir, les gentils auront leur buste dans les allées du devoir. Plus de rixes, de querelles, plus de monuments aux morts. Les rues deviendront si belles qu'on vivra presque dehors. Les pays pourront s'unir, il sera non violent là. Je ne suis pas de ceux qui changent le monde, d'autres le font pour moi. D'une vie qui dure que quelques secondes, j'ai fait si peu de choix. Je n'ai suivi que des sirènes. De mes cinq sens, le sixième, j'ai trouvé des hasards, quelques routes vers quelque part. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais où est ma chance, sans pouvoir étrange, sans aile dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant, je me suis trouvé en passant. Au détour d'un après, elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Savent tout bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix, un grand fil tendu sous mes pas. Sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant, j'en ai fait mon destin. J'ai suivi mon âme. Bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton instinct. Canyons arides, aux éoliennes qui tournent dans le vide. S'il y a des mots qu'il faudrait que j'écrase, c'est sur les murs que seul mon ombre rase. J'ai pris le temps d'apprendre la patience à mon allure, de prendre mes distances sur la. Qui nous sépare, je trace, hâte de voir en face. Je trace au marqueur les contours de l'amour avant qu'il passe sur la route. Je trace tout de nous, je trace tout de nous. garder le souffle pour aller au-devant. Du fond du gouffre jusqu'au point culminant. S'il y a des mots qu'il faudrait que j'efface, c'est sur les murs que seul mon ombre rase. J'ai pris le temps d'apprendre la patience à mon allure, de prendre mes distances. Sur la route, je trace les heures qui nous séparent. Je trace, à te voir en face. Je trace au marqueur les contours de l'amour avant qu'il passe. Sur la route, sur ma route, je trace tout de nous. Je trace tout de nous. Le reste d'un coup d'essuie-glace à la mémoire, j'efface. Sur la route, je trace tout de nous. Je trace. It was Florent Pagny with L'Avenir, then L'Instinct, then Je Trace. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Idéal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. KFAI is proud to present Isaiah Collier at the Dakota on Sunday, June 16th. Jazz artist Isaiah Collier is a musical virtuoso in the truest sense of the phrase, and his sound is a dynamic flurry of metaphors, yet he can hold back when necessary. With his saxophone, he plays his influences, which he describes as a sonic time machine. Opening the show is local trumpet player Omar Abdul Karim. Tickets for Isaiah Collier and the Chosen Few can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Now we're going to listen to a band that I discovered on Bandcamp called The Truffaut, like the film director, François Truffaut, and from an album called Une collection de chansons françaises, a collection of French songs. And the first song we're going to listen to is L'Histoire des Moutons, The Sheep Stories, and then Sophie, La Lune et Moi, Sophie, The Moon and Me. And then we're going to listen to Bébé Brune with Sauvage et la Lune, The Moon is Savage, from their album Visage. On s'est connus, on avait des moutons, et on croyait que c'est un rêve pour la vie. C'est l'histoire des moutons, c'est ce jour-là qu'elle commence. C'est l'histoire des moutons, qu'est-ce qu'on était con. C'est l'histoire des moutons, c'était notre déclaration. S'inventer des histoires, avoir les jetons, pour pouvoir s'enlacer et s'embrasser même pire. C'est l'histoire des moutons, ce jour-là qu'elle commence. C'est l'histoire des moutons, mais qu'est-ce qu'on était cons. c'est l'histoire du mouton, c'était notre déclaration. Parce que maintenant, sans savoir mouton, on s'est marié, tout ça sans condition. C'est l'histoire du mouton, ce jour-là qu'elle commence. C'est l'histoire du mouton, mais qu'est-ce qu'on était con. C'est l'histoire du mouton, c'était notre déclaration. On n'a plus besoin d'histoire, maintenant qu'on a le nom, pour pouvoir faire l'amour et s'embrasser, c'est bon. C'est l'histoire du mouton, ce jour-là qu'elle commence. C'est l'histoire de mouton, mais qu'est-ce qu'on était con. C'est l'histoire de mouton, c'est notre déclaration. Le temps passe et ils reviennent les boutons. Parce qu'au lieu de s'aimer, on écrit des chansons. On écrit des chansons, c'est quand même assez con. On écrit des chansons, c'est quand même assez con. On écrit des chansons, c'est quand même assez con, assez con. C'est quand même assez con. C'est quand même assez con. Sophie, la lune et moi. It was the Truffaut with L'Histoire des Moutons, then Sophie, la Lune et moi, then Bébé Brune with Sauvage la Lune. We're going to listen to Zao with Mon Combat, My Fight, featuring Florent Mott, then Camilo with Il est temps, It's Time, featuring Charlie Boisseau, and Rêver l'Impossible, Dreaming of the Impossible. And all of these three songs are coming from the soundtrack of La Légende du Roi Arthur, or The Legend of Arthur the King. je porte quoi de tes non-dits. Il n'y a pas de blessure vaine. Je suis le passé que je traîne. À qui la faute, faute à la vie. C'est pas ma faute, mais c'est ainsi. Yeah. Ici va tiens la mer. J'ai trop laissé la vie décider tout et me mettre à genoux. J'ai trop souvent par dépit cédé surtout en tendant l'autre joue. Il est temps que l'on s'éveille, il est temps que l'on essaie. Hey, oui, seul. Par mon père au pire ennemi, quelle ironie. Dieu céleste, n'entends-tu le chant de ma détresse? Permets-moi de connaître l'ivresse de ma jeunesse. Est-ce toi qui as envoyé jusqu'à moi ce vaillant chevalier? Est-ce lui l'homme que j'attendais, que j'espérais? It was Zao with Mon Combat, featuring Florent Mott, then Il est temps de Camille Lou, featuring Charlie Boisseau, and Camille Lou again with Rêver l'impossible. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. KFAI is proud to present Ghostly Kisses at the Fine Line on Wednesday, June 5th. Quebec City-based Ghostly Kisses are touring behind the latest album, Dark Room, a mesmeric record that wills our inner monologue into view. Tears falling on the dance floor only to find mystic connection in the darkest electronic corners. Synth-pop singer-songwriter Croy opens the show. Tickets for Ghostly Kisses can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Now we're going to listen to Emmanuel Emo with three songs, two from his Sessions Live YouTube and another one from a compilation called Allopop 2. The first song is Le Courage des Oiseaux, featuring Dominique A, The Bird's Courage, then Logique Coco, featuring Mansfield Tia, and the third song is Ophélie, like the first name, Ophelia. Ophélie in French. Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. C'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. toi sur la plage, moi sur le dos, les coquillages, ton pario. Je sais, je t'invente un maillot. C'est la mer du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient un rio. Tout est lancinant et tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro. C'est la mer du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient un rio. Tout est lancinant et tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro. Palmier les nuages dans le soleil sont tropicaux. Mais le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire, mais beau comme notre amour. Palmiers les nuages dans le soleil sont tropicaux. Mais le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire, mais beau comme notre amour. Emmanuel Emo with Le Courage des Oiseaux featuring Dominique A, then Logic Coco featuring Mansfield Tia and Ophélie. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. As regard to the upcoming events, feel free to go on our Facebook page for Bonjour Minnesota and look at the events. And we typically save as the events that are interesting or connected to the French community. Now we're going to listen to a band that I have the pleasure to receive on the radio show Bonjour Minnesota, and they are called Alchimie, and they had an album in French at the time, so we are talking about 2016, and since they've came up with another album, but it's completely in English, so I don't play it as much, but the first song we're going to listen to has the same name as the album, and it's called Chercheur d'Or, you know, Gold Prospector. then un brin de passion, a little bit of passion, and then we're going to listen to Au Petit Bonheur, the little happiness, with Je veux du soleil, I want some sun. Marchand de terreur, on s'est vendu par peur. Passe les heures et passe nos cieux, bloqués par tant de l'heure, de perte en contentieux, on s'est éloigné au mieux. Autant nous nous aimions, autant nous étions, des frères et des sœurs. Belles émotions, libres de toute peur. Dès lors, il s'agit bien d'être des chercheurs d'or, de partager nos biens et de laver les torts. Dès lors, il s'agit bien de brûler tous les sorts, libre et serein, de laisser couler l'or. Autant nous aimions, autant nous étions. Comme des claques, y'a de la colère sous mes jupons. En un éclair, je contre-attaque. On est devenu paranoïaque. Où est passé le marmiton qui cuisinait l'aphrodisiaque? Haché menu pour vieux croutons. Moi j'ai des tocs, je crie mon trac. Tic-tac, tout est en vrac. Je tombe à pic dans ta provoque. La polémique tourne au micmac. Il y a des couacs réciproques. Les tic-tac, on s'entrechoque. De porc et pic en tête à claque. Dans le trafic, y'a plus de pare-choc. C'est la panique sur le tarmac. Moi j'ai des tocs, je crie mon trac. toc toc, et puis des tocs qui font tic tac. Il y a des mots qui sont ma stock, des mots qui sentent l'ammoniaque. Toi tu débloques, tout est en vrac, moi je suffoque, monomaniaque. Il est temps de changer d'époque, il est temps de tomber les masques. Moi j'ai des tocs, je prie mon trac. It was Alchemy with Chercheur d'or, then Un brin de passion, and then Au petit bonheur with Je veux du soleil. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Programming on KFAI is sustained by underwriters like the Walker Art Center and the Bell Museum. Thank you so much for your support. Learn more about becoming a KFAI underwriter at kfai.org/underwriting. Now we're going to listen to three songs from Émilie Loiseau. The two first ones are from his album Icar from 2021. And the first song is Le poids de l'existence, The Weight of the Existence. The second one is Icar. Then we're going to listen to the song called Au sombre, Dark Waters, from her album Mona from 2017.

des temps qui coulent sur ma fenêtre. Qu'as-tu vu du monde? Qu'as-tu vu de la fête cette fois? Elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. J'ai vu dans la rivière couler des galets plats, des pierres toutes rondes et même la terre parfois se noie. Je nage dans une eau sombre où il y a longtemps déjà ont coulé les décombres d'un vieux navire de bois. It was Emily Loiseau with Le Poids de l'Existence, then Icar, and then Au Sombre. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Léa Castel with two songs from her album Roue Libre. The first one is Uppercut, or Uppercut. The second one is Amour à la haine, love to the point of hate. And then we're going to listen to Slimane with a song called Abîmé, or Damaged. And it's also featuring Léa Castel. It's from his album À bout de rêve. C'est C'était l'automne, il était tard. Loin d'imaginer être à l'aube d'une vendetta. Je t'aimais trop fort, ça faisait pas mal. Ce jour-là, je pensais retrouver mon cœur en état. À la une, à la deux, à la trois, j'ai sauté, mais pas toi. T'es retourné sur tes pas, je m'habitue pas. Tout se paralyse à la fois, y'a que ta voix qui se répercute. Tu percutes, tu percutes au cœur. J'ai pas pu rappeler l'ascenseur. C'est trop d'efforts. Je t'aimais trop fort. Tes mots, mes fleurs encore. Et je te vois dans le décor. À la une, à la deux, à la trois, j'ai sauté, mais pas toi. T'es retourné sur tes pas. Et je m'habitue pas. Tout se paralyse à la fois. Mais je vois que toi, tu percutes ou pas. Tu percutes au cœur. Je passe pas de l'amour à la haine. J'attends, tu reviens. Avec toi, je passe pas de l'amour à la haine. J'attends, tu reviens. Je te retrouve dans chaque parole de musique que j'aime. Tu sais, celle qui nous parle d'amour, nous parle d'amour éternel. Tu sais, plus je les écoute, plus j'ai envie de t'écrire les mêmes. Disant que je pourrais jamais détester parce que sans tes bras j'ai pas sommeil. Encore une nuit qui m'échappe. Je ressens ta main dans la mienne. Je pleure. Avec toi je passe pas de l'amour à la haine. Je vois pas comment la lune peut s'éclairer sans soleil, même dans un monde parallèle. Pour nous c'est pareil, j'ai fait le tour des millions de questions dans ma tête. Je ne vois toujours pas comment je peux détester alors que sans tes bras j'ai pas sommeil. Encore une nuit qui m'échappe. Avec toi je passe pas de l'amour à la haine. J'attends, tu reviennes. Avec toi je passe pas de l'amour à la haine. J'attends, tu reviennes. On a tout fait, on a tout dit, on a refait, on a repris, c'est la même. Avec toi je passe pas de l'amour à la haine. Téléguidés, on suit la foule, la croix. Les journaux télévisés, tout s'écroule autour de moi. Dites-moi que peut-on voir seul dans le noir quand les tonnerres se réveillent. Les enfants des boulevards vivent des nuits sans sommeil. Sens-tu le vide autour? Imaginez sa vie dans un élan d'amour. Certitude, des lendemains et flotter au milieu du bitume sous un soleil éteint. Faut-il baisser la tête, ramasser les miettes et faire semblant de rêver, puisqu'aucune de mes larmes n'y pourra rien changer. Sens-tu le vide autour? Imaginez sa vie dans un élan d'amour. Dites-moi comment on fait semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme une enfant abîmé, dans un décor inanimé. Dites-moi comment on fait semblant, je me perds dans la machine du temps. Ces nuits oubliées, dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme un enfant abîmé, dans un décor inanimé. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme un enfant abîmé, perdu dans ces nuits oubliées. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Machine du temps. It was Léa Castel with Uppercut, then another one from Léa Castel called Amour à la haine, and then Slimane with Abîmé featuring Léa Castel. Do you love the program you're listening to right now? Who knows what other programs you might find when you visit kfai.org/schedule. Check out our broad range of programming on kfai.org. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, kfai.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to three songs from Hervé. The first one is Le premier jour du reste de ma nuit, the first day of the rest of my night. And the second one is Trésor, and they are both coming from his album Hyper or Hyper. And then we're going to listen to Ultra Chelou, that is from 2023 and much more recent, still from Hervé. Me chasse pas, trésor. avec ou sans. Moi, je vais revoir la mer à Houston. J'évite ces morceaux à la radio, je les connais trop, ceux qui nous recollaient. Tous ceux qui te collent, je leur ferai la peau. Me chasse pas, trésor, trésor. Tu sais combien t'as compté. Mes désirs font désordre, trésor. Culpabilise trop quand c'est flou. Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules. Je me suis pas levé pendant nuit debout. Je suis parano quand on s'organise, c'est tout. Chelou. Renneuf sous le soleil. Hervé with le premier jour du reste de ma nuit, then Trésor, then Ultra Chelou. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Colonel Rayel with Celui, The One, then Toi et Moi, You and Me. And then we're going to listen to Pierre-Paul Jacques with Triomphe de l'amour, The Triumph of Love. Mm-hmm.

planer. Jamais je ne laisserai faner cette fleur que nous avons plantée. La fleur de l'amour qui nous a tant donné. Toi et moi, personne ne pourra lutter contre ça. Oh, oh, oh, oh, toi et moi, rien égale ce que je ressens pour toi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bébé. Je crois que finalement c'est pas une si bonne idée que ça d'aller à Las Vegas. Je préfère souvent les animaux que l'humanité. Je lis dans les yeux des mammifères un livre familier. Les Che Guevara des HLM ont tous mal fini. Je veux pas me détruire à la haine, donc je m'enroule un petit. En attendant les triomphes de l'amour, je me demande souvent, c'est quand le match retour. Et je lève mon verre à tous mes faux amis, en leur souhaitant que la vie leur sourit. Je célèbre mes baby mothers. Qu'un grand soleil éclaire votre bonheur. Oh yes. À chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque. Tu le connais ce petit garçon qui marche dans la guerre, en rêvant qu'il est dans un jardin sans bombe ni militaire. Il a glissé un livre d'école sous sa chemise. Dans le bruit des avions qui décollent, elle le paralyse. En attendant le triomphe de l'amour, il se demande souvent, c'est quand le match retour. Et je lève mon verre à tous mes faux amis, en leur souhaitant que la vie leur sourit. Et je célèbre mes baby mothers. Qu'un grand soleil éclaire votre bonheur. Oh yes. À chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, qui l'attaque, oui qui l'attaque, oui qui l'attaque, à chaque attaque. It was Colonel Rayel with Celui, and then Toi et Moi, and after that it was Pierre-Paul Jacques with Triomphe de l'amour. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. This is the Minnesota Dose on KFAI. COVID-19 immunization of children in California averted over 376,000 cases. That's according to a recent peer-reviewed study published in JAMA Network. Researchers found that there is a 37.1% reduction in cases among vaccinated youth ages 12 to 15 years old. That's compared to what researchers estimate would have occurred without vaccination. Among kids 5 to 11 years old, there was a 23.7% reduction compared against expected cases. 10.4% of Minnesotans ages 5 to 11 are up to date on their COVID shots. That percentage is 10.9 for 12 to 15 year olds. If you or someone in your family needs a COVID booster, pop-up clinics are still popping up across the Twin Cities, like the one at Hmong American Partnership on Arcade Street in St. Paul. Hall. That's happening May 9th at 5 p.m. Shots for kids and teens will be available. For the Minnesota Dose on KFAI, I'm Ryan Dawes. Now we're going to listen to three songs from a compilation from La Souterraine called Tenia Mania, number 2. The first song is going to be from Play. The Play is like the wound, with Tous les Matins, every morning. Then Monsieur Lobster with Tarama. And then another one from Emmanuel Emo with Si tu me quittais des yeux, if you were to stop looking at me. Soirée réussie, il faut savoir y mettre le prix.